France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 134. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 26 octobre 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu vas découvrir, entre autres, comment Bernard Kouchner a essayé d'ambiancer Sœur Emmanuelle. Puis, tu vas aller faire un tour chez ma tante, qui va te refourguer au clou. Et tu vas également rencontrer de curieuses momies égyptiennes. Et bien sûr, tu vas immédiatement savoir pourquoi Nicolas Sarkozy doit impérativement rester président de l'Union européenne après le 31 décembre. Ouais, bon, on va quand même pas filer la présidence de l'Europe à des Roumains, hein. Non, c'est les Tchèques. Ben c'est pareil. Roumains, Tchèques, Bulgares, tout ça, c'est des gitans. Ben déjà que le chef de la Commission européenne, Barroso, et les Portugais, ne va pas en plus se faire commander par des Tchétchènes. Hein. Non, c'est les Tchèques. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose, durant 53 minutes, d'organiser ici un beau barnum burlesque autour des actualités manipulé par le prince du monde. Alors communions ensemble, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Jodas Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre sacerdoce consiste à t'offrir autant que possible un diaporama sonore modeste mais déjanté contre le triomphe de la morosité. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Eh bien, pêle-mêle, tu vas croiser une fine équipe de barbouzes à trois balles qui tentent de traquer un facteur, puis tu découvriras pourquoi la visite en France mercredi prochain du président égyptien Hosni Moubarak a réveillé cette semaine quelques vieilles momies de l'INA. Dans la foulée, direction Gros Boule-les-Bains, où nous te dévoilerons comment Monique et Jean-Claude ont dû faire face le week-end dernier à une étrange adolescente qui tient des carnets secrets dignes des Hergé. Et juste après, grâce à notre facétieux reporter, nous gravirons ensemble les pentes savonneuses du monde piété. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier des actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sors-toi la tête du cac. We'll be right back. Lucky Number, c'était la curieuse numérologie que nous proposait Lenny Lovitch en 1978. Remarque, aujourd'hui plus que jamais, l'ambiance est à la superstition. Primo, les marabouts de la finance cherchent en vain la formule magique. Et ensuite, si tu aimes le vaudou, désormais tu peux te défouler sur les poupées de Ségolène ou de Nicolas. Alors, notre clepsydre électronique, chers amis, nous annonce qu'il est 11h11 sur Inter. L'heure, bien sûr, de se vautrer confortablement pour amorcer ensemble les modestes péripéties de ce 134e épisode du Mangin Palace. Et la tradition veut que nous débutions désormais par notre petite session freudienne, car inlassablement, avec Monsieur Divan Beaujelet, le fiéfé sacripant de nos coursives, nous poursuivons notre battue à l'inconscient tordu qui se niche dans le discours politico-médiatique. Comme chacun sait maintenant, il y a le dit et le non-dit. Ainsi, découvrons notamment ce matin la fourberie démoniaque des casse-noisettes de l'écureuil et la décadence immorale des casse-cou du socialisme. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, car voici pour toi l'infratexte des discours de ces derniers jours, ainsi soit-il. Voisin ! Réuni en urgence hier soir, le conseil de surveillance de la Caisse d'épargne t'a donc tranché dans le vif. Je suis content que ça vous ait plu. Les trois principaux dirigeants de l'écureuil n'ont eu d'autre choix que de démissionner. On reviendra certainement bientôt. À commencer par le PDG lui-même, Charles Millot, qui avait admis hier sa responsabilité dans la perte de 600 millions d'euros. Quel est votre secret ? Essuyé par la banque le mois dernier. J'ai fait un pacte avec Satan. Voilà, voilà, j'arrive. Dérangeante affaire d'adultère qui rattrape le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour madame. Bonjour Marie-Lève. Oui monsieur. Anne Sinclair, l'épouse de DSK. Mais monsieur travaille madame, vous ne saviez pas? Est sortie du silence sur son blog pour couper court à toute rumeur. Bon alors occupe-toi de moi en attendant. Et allez, pour terminer, un propos quelque peu décalé, sinon légèrement iconoclaste. C'est bizarre, non? Sur un autre aspect de Sœur Emmanuelle. J'ai un gros doute. Au micro de Stéphane Faure, Bernard Kouchner s'est laissé un peu aller. Fais-moi confiance, ça va être finger in the nose. J'ai aussi souvenir de d'avoir dansé le tango avec elle. Ok, ouais. Et croyez-moi, danser le tango avec Sœur Emmanuelle... Tout à fait notre genre. Ça ne faisait pas seulement penser au bon Dieu. C'est une femme. Je m'ai pas fait mal. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vraiment une merveille. Une série de sommets donc pour reformer le système financier mondial. Il y a encore quelques semaines, c'était totalement impensable, non? Moi j'attends de voir. Cela étant dit, de la part de ceux qui il y a quelques semaines encore défendaient les mérites des fonds de pension, notamment à M. Sarkozy. Ceux qui défendaient les crédits hypothécaires, encore Nicolas Sarkozy. Et si on était pété de thunes du jour au lendemain, mec, on irait où? Sur ce terrain-là, nous verrons ce qu'est la volonté politique réelle du gouvernement français à s'attaquer aux paradis fiscaux dans le marché intérieur et notamment au sacro-saint secret bancaire qui assure de la fortune du Luxembourg notamment. On verra. Il faut que j'ai l'air normal. La France n'est pas plus exemplaire en matière de moralité financière que le Luxembourg. Nous devons tous nous conduire comme des êtres normaux. Les magistrats ont ouvert les vannes. Aujourd'hui, ils se mobilisent partout en France contre Rachida Dati. Je ne suis pas enceinte. Pas contre une réforme, une loi, non, contre la ministre de la Justice. Il me semble que c'est une chose qui pourrait rester entre nous. Rachida Dati donne l'impression de balayer les critiques d'un revers de main. Mais écoute ! Nous, on se parle et j'entends leur malaise. Ils veulent être reconnus. Ils me disent, c'est vrai. Par exemple, les policiers, on a l'impression que leur travail est plus reconnu. Ben je dis que le travail des juges est reconnu. Et il est de ma responsabilité de faire entendre. Je vais avoir l'air d'une idiote. Un face-à-face qui s'annonce tendu aujourd'hui entre Olivier Besancenot et la société Taser France. On a déjà une douzaine d'inspecteurs qui travaillent sur l'affaire. Le porte-parole de la LCR doit répondre de diffamation. Il paraît qu'on va faire les 3-8. Accusation alors que le patron de cette société a lui été mis en examen la semaine dernière, soupçonné justement d'avoir espionné Olivier Besancenot. Ouais, je suis plutôt du genre félin. Allez, au pas, je guette la proie. Je suis un chasseur. Moi, j'aurais pu faire carrière dans la CIA ou un truc du genre. Hein. L'élite, quoi. L'élite, quoi. La CIA ou un truc du genre. Ben voyons. C'est plutôt une véritable équipe de pignouf qui a traqué Olivier Besancenot pendant plusieurs mois. Alors avant tout, pour celles et ceux qui n'auraient pas vraiment suivi cette affaire et qui s'est accélérée ces derniers jours, faisons un rapide rappel des faits. Nous sommes au mois de mai dernier, le 5 précisément, et en ce début de soirée printanière, nous apprenons ceci. Étrange affaire d'espionnage visant Olivier Besancenot. L'Express.fr révèle qu'une officine privée de renseignement l'a suivi, l'a épié pendant plusieurs mois, avec des complicités, puisque ses comptes en banque, par exemple, ont été visités. Arlette ! Ouvre, Arlette ! Je sais que t'es là, il y a ton caddie à commission. Mais... pourquoi t'as monté ça ici? Il faut que tu m'aides. Je suis sûr que les RG sont sur mon dos et comment dire, j'ai pas tout mis sur ma déclaration de patrimoine. Oh, t'as pas déclaré ta mobilette? Non. Oh. Oui, comme tout trotskiste qui se respecte, Olivier Besancenot est un poil parano et il pensait, pépère, que c'était l'État qui l'espionnait en tant que trublion anticapitaliste. D'où la mob qu'il fallait planquer chez Arlette. Bon, cela dit, comme tout honnête citoyen qu'il est, Olivier Besancenot a porté plainte contre X, bien sûr, pour atteinte à la vie privée. D'ailleurs, le dossier fait froid dans le dos, puisqu'on apprend très vite qu'il a réellement été pris en filature, tout comme c'est hallucinant, sa compagne et son enfant, tiens-toi bien, âgé de 4 ans. Et puis, l'enquête a suivi son cours, et voilà Tipa qu'on en découvre un peu plus cette semaine. Olivier Besancenot a-t-il été espionné? Dans la ligne de mire des enquêteurs, la société SMP Technologies. Elle commercialise en France le pistolet électrique Taser qui équipe les forces de l'ordre. Dès la révélation de l'affaire, la société avait été pointée du doigt par le magazine L'Express. Absurde, répondait alors son directeur général. La société SMP Technologies, premièrement, n'a pas les moyens de se payer des détectives privés. Et deuxièmement, elle a autre chose à faire que d'aller suivre la vie privée de M. Besancenot, qui ne nous regarde strictement pas. J'ai connu d'autres menteurs, mais t'es le roi des menteurs. J'en ai connu d'autres, t'es vraiment le roi des menteurs. Bon, résultat, ce cher monsieur que nous venons d'entendre, le patron du pistolet Taser, donc, a été mis en examen cette semaine et placé en garde à vue, figure-toi, puisqu'il semblerait qu'au final, la vie d'Olivier Besancenot l'a beaucoup plus intéressé que ce qu'il nous disait à l'instant. Cela dit, comment une grosse équipe de barbouzes peut se faire cramer aussi facilement? Crois-moi qu'avec Pasqua, ça se serait passé autrement. Mais alors, que s'est-il passé, justement? Au départ, Olivier Besancenot a accusé le pistolet Taser d'être meurtrier, ce qui pourrait être vrai, d'ailleurs. Et du coup, grosse colère du patron du flingue électrique qui redoutait de perdre son gros marché avec le ministère de l'Intérieur. Dans la foulée, il décide donc d'employer des méthodes de barbouze contre le leader de la LCR. Tout a été fait avec le meilleur matériel et le plus récent. On n'a oublié aucun interrupteur, même aux toilettes. Tout l'immeuble a été mis sous surveillance. Vous avez dit que vous trouveriez. Alors trouvez. Je ne conseillerais pas à mon pire ennemi de me décevoir. Notre équipe sera prête dès demain et elle attendra ton signal. Oui. Le signal, sans doute, pour fouiller la vie privée d'Olivier Besancenot, histoire de faire pression. Seulement voilà, ce ne fut pas simple de composer une équipe de fines lames. Ils avaient bien pensé à Jean-Charles Marchiani, mais impossible, puisqu'il était en tôle et en pleine préparation de sa convocation au procès de l'Angola Gate. Alors pourquoi pas Didier Julia, le député UMP un peu barbouze sur les bords? Mais là, il y a eu un souci avec Didier, puisqu'ils ont fait quelques essais de filature pour voir, et franchement, ce n'était pas très concluant. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Hein? Oui. Ouais, mais bouiche. Il m'a déjà dit bouiche et puis... D'accord. Oui. Bah ouais, mais... Didier Julia a donc été écarté. Et résultat, le patron du pistolet Taser s'est alors adressé à une officine privée de renseignement qui, elle, très vite s'est mise au boulot. Autrement dit, a surveillé scrupuleusement le facteur révolutionnaire. Il part à vélo. Avec le type. Oui, oui, à bicyclette, quoi. En principe, il va au bois. Il est crevé. Ou il a mal revissé sa valve. Tu crois? Ou il a des boyaux poreux. On n'est pas arrivé. Il est complètement pourri, son vélo. Ouais, C'est sûr qu'avec une telle équipe de finaux et avec des infos pareilles, on ne risquait pas d'aller bien loin. Ce qui a fini par exaspérer le patron du pistolet taser, qui s'impatientait. C'est alors qu'il a tenté d'autres méthodes, plus inquiétantes encore, puisque les barbouzes amateurs ont essayé d'intimider Besancenot par d'étranges coups de fil menaçants lorsqu'Olivier était au bureau en train d'élaborer son nouveau parti, le service après-vente socialiste. Service après-vente, bonjour! Oui, bonjour. Vous savez les matières que je préférais à l'école? Non. C'était maths et dessin. C'est bien. Maths et dessin. Maths et dessin. Ah, oui. T'es pas la blague de ma fille. T'es, je te crève, chaud du travail, bâtard. Mais même ces pratiques d'intimidation de Guignol n'ont pas déstabilisé Besancenot, qui a continué à affirmer qu'a priori 150 personnes auraient été tuées aux États-Unis depuis l'utilisation du pistolet taser par la police. Franchement, ça fout la trouille. Mais devant l'élan vindicatif de Besancenot, le patron du redoutable flingue a rapidement cherché à savoir où en était son enquête de barbouze. Où en êtes-vous ? Bloqué. Notre enquête ne donne aucun résultat. Pouvez-vous me dire ce que vous savez ? Pour abattre une telle conspiration, on part de la périphérie et on resserre l'étau pas à pas. Si on vise trop haut et si l'on manque la cible, cela conforte la proie. Vous avez fait prendre à l'enquête des mois de retard. Oui, nous le savons. Si nous avons tort, nous démissionnerons. Avons-nous eu tort ? À vous de le découvrir, convenez-en. Écoutez, j'en ai marre de vos jeux à la com. Je ne fais plus d'allusions. Je dois savoir ce que vous savez. Eh bien, pas grand-chose, puisqu'Olivier Besancenot a une vie plutôt tranquille. Cela dit, avant que ces pignoufs ne se fassent tous choper lundi dernier comme des bleus, ces barbouzes du taser avaient tout de même réussi à mettre la main sur des notes confidentielles d'Olivier Besancenot. Et là, ils se sont tous aperçus, un peu tard et un peu niais, qu'aux yeux du jeune facteur, le taser n'était qu'un détail certes essentiel, mais au sein d'une lutte beaucoup plus globale pour le leader de la LCR. Ainsi qu'ont révélé aux barbouzes ces notes confidentielles de Besancenot. Titre en caractère gras, 1 000 milliards de dollars. Ce soir, je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayé de bonne coupe et leurs armes, un attaché-caisse de bon goût. Derrière 3 initiales discrètes, une lettre, un point, une lettre, un point, une lettre, un point, se cache la plus gigantesque machine à broyer les frontières, les États, les intérêts collectifs, dans le seul but de produire plus, créer sans cesse des marchés et vendre. Je me suis cogné la tête contre ce défi lancé au monde. Sauf à chips et télécommande, je me demande, Nikos, en vrai, il est comment? Cet inconnu devient quelqu'un le temps d'une fausse note. Et au prix de quelques larmes versées aura gagné leur vote. La dépression est de bon ton, maman est fière de son fiston qui a chanté l'envie d'aimer sans écart d'un demi-ton. Le guitariste donne tout, mais sa gratte n'est pas branchée. Et je me rends compte que dans ce morceau, y a que du clavier. Un duo commence, elle oublie texte et mélodie. Personne n'y voit que du feu et tout le public applaudit. Comme toujours, l'épilogue idéal. Moi aussi, je veux vivre dans un catalogue Ikea. Je suis scotché, car au fond, c'est con, me donne de l'espoir. Je me dis que je sais rien faire, mais que ça empêche pas d'être une star. À quand la gloire, l'Oscar, pour mon rôle d'anonyme. Voici mon pseudonyme. I'm Mr. Nobody, somebody. I'm Mr. Nobody, somebody. I'm Mr. Nobody, somebody. I'm Mr. Nobody, somebody. Personne ne veut être monsieur tout le monde. Tout le monde veut devenir quelqu'un. Et quand quelqu'un y parvient, on dit tous quel con. Lui fait la coupe de elle, elle fait la coupe de lui. Elle a des ennuis depuis qu'elle est un produit. Pourtant, lui comme elle sont des personnes quelconques. Et quelques secondes d'antenne ont tout changé, quelle honte. Le talent est moins important que la notoriété. D'abord les interviews et après on t'écoute chanter. On te regarde danser, on t'observe monter en haut de l'affiche et lendemain on te regarde tomber. Dans mon canapé, je rêve à un hommage posthume où des stars défileraient pour moi dans un noir costume. On vendrait mes qualités de zappeur hors norme avec un maître de cérémonie en chapeau haute forme. Je me fais un film seulement, y'a rien sur la pellicule. Je suis monsieur tout le monde, mon casse gratte et les testicules. Ouais, monsieur tout le monde. I'm Mr. Nobody. Je suis monsieur tout le monde. Somebody. I'm Mr. Nobody. Je suis Body. Monsieur tout le monde. Somebody. I'm Mr. Nobody. Je suis Body. Monsieur tout le monde. Somebody. I'm Mr. Nobody. Je suis Body. Monsieur tout le monde. Somebody. Monsieur tout le monde. C'est donc le dernier opus du groupe nantais Hocus Pocus sur leur dernier album intitulé Place 54. Car Monsieur Tout-le-Monde a bien compris que dans notre monde de misère, une main Hocus vaut autant qu'un coup de pied de Pocus. Alors, après nous être plongés dans l'affaire Besancenot et Taser, Elbalbeur, passons dès à présent à 11h27 à notre séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que mercredi prochain, M. Mohamed Hosni Moubarak, président de la République arabe d'Égypte, sera reçu au palais de l'Élysée pour un déjeuner de travail avec Nicolas Sarkozy. Eh bien, figure-toi qu'en écho à cette visite officielle, au moment où l'Institut du monde arabe à Paris consacre une exposition à Bonaparte et l'Égypte, les fantômes de l'INA ont vu débouler mardi dernier de curieux visiteurs en bandelettes. Écoutons religieusement ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, les voix de l'INA étaient en émoi. L'annonce de la visite du président égyptien Hosni Moubarak mercredi prochain les avait plongées dans une étrange angoisse. Pourtant, par le passé, elles en avaient vu d'autres. Ramsès II à Paris, la momie d'un des plus grands pharaons d'Égypte est attendue tout à l'heure au Bourget à bord d'un avion militaire français. Les honneurs militaires lui seront rendus selon le protocole réservé au chef d'État. Il ne faut pas oublier que la momie de Ramsès II a plus de 3000 ans. Sans raison apparente, on ne sait pas trop pourquoi. Les voix de l'INA étaient persuadées que le président égyptien venait se venger de Napoléon en dérobant les trésors de l'histoire de France, y compris les archives radio, comme par exemple la voix d'André Malraux. Et ce qui paraît ici, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce ne serait qu'une juste revanche, pensait le docteur Campana. Car au XVIe siècle, déjà... François Ier ne se déplaçait jamais sans avoir avec lui, ou dans ses coffres à pharmacie, des morceaux de momie, dont il faisait, paraît-il, un bon usage. Elle se consommait comme ça... On frottait des morceaux de momie sur la plaie ou bien on avalait des morceaux de petits morceaux de momie contre les maux d'estomac. Ça n'était pas très ragoûtant, mais c'était ainsi. Et même au sujet de la dégustation de momie, Nicolas Sarkozy avait quelque chose à dire. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'ai pas voulu mentir. Et je me suis inscrit en rupture avec une tradition déplorable de notre vie politique. Celle de l'hypocrisie, celle du mensonge. Voilà que ce qui était recouvert d'une chape de plomb, pour un de mes prédécesseurs, que je ne me permets pas de juger. Chacun sa vie. La vie est si difficile et si douloureuse. Bien joué, papa. T'as encore éveillé une momie. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Les histoires de momies n'intéressaient pas trop la princesse Bibesco. Pour elle, la visite du président égyptien était plutôt l'occasion de se poser des questions. Je crois savoir à présent de quoi meurent les empires. Je viens de l'apprendre en visitant à Saqqara et en écoutant lire la plus vieille lettre du monde. Ce n'est pas une lettre d'amour comme nous autres femmes serions tentées de le croire. La plus vieille lettre du monde est tout simplement celle d'un officier adressée au ministère de la guerre de Memphis, se plaignant, il dit qu'on lui a demandé d'envoyer ses soldats à Memphis au magasin d'habillement pour être habillés de neuf. On les a retenus 6 jours à Memphis et on les lui a renvoyés sans habillement. De quoi meurent les civilisations? Je vais vous le dire. Le manque de ferveur dans les services publics. C'est la même malfaçon que dans les lettres d'amour quand on n'aime plus. Public aimé, souriez, voici Pyramide. Merci Flora Bernard pour ce récit qui flirte avec des frontières spatio-temporelles pour le moins très floues. Mais bon, espérons pour nous tous qu'après le Moubarak à Paris en octobre, il y ait le Durbarak aux States en novembre. Enfin bon, changeons de bandelette et passons dès à présent aux actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, il est temps en effet de retrouver nos deux héros des temps modernes, à savoir Monique, la grenelle des familles, et Jean-Claude, le gros nul de l'environnement. Parce que mercredi dernier, alors que Jean-Claude se rendait au boulot, dans les transports en commun, il a croisé Manon, une copine de lycée de sa fille Elsa. Manon, elle était là, rêveuse, avec posé sur ses genoux un cahier décoré d'une photo de Zac Efron. Et Jean-Claude, il aime bien Manon. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous écris encore un nouveau poème à la con? Pas du tout. Je suis pas que poétesse, je suis aussi diariste. Diariste? C'est les gens qui ont la chiasse? Diariste, ça veut dire que chaque jour, j'écris mon journal intime. Mais qu'est-ce que tu racontes là-dedans? Eh ben, mes pensées les plus secrètes, mes fantasmes, tout ce que je peux pas dire ouvertement et que je confie à la discrétion de la page blanche. Ça coûte moins cher qu'une psychothérapie. Ouais. Tu devrais écrire ton journal intime, Jean-Claude. Mais ça va pas, non. Cette Manon-là, quelle insolente avec son journal intime. Sauf que voilà, Jean-Claude s'aperçoit que la môme laisse glisser involontairement de son sac à dos le si précieux carnet. Véritable pourriture, Jean-Claude ne dit rien et récupère le carnet secret après que Manon soit descendue à son arrêt. Jean-Claude, il est hyper content de pouvoir potasser en loose-dé ce journal intime pour y découvrir des rumeurs et des cancans. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. C'est une arme redoutable, implacable, impalpable. L'adversaire invulnérable, c'est du vent, c'est du sable. Elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable. C'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour elle a disparu, tout d'un coup dans les rues, comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. Et Jean-Claude est tout excité, mais un peu gêné tout de même, à l'idée d'éplucher le journal intime de Manon. Il jette un œil à droite, il n'y a personne. À gauche, non plus. Alors il se lance dans son enquête in petto. Je viens d'ouvrir le journal de la petite. Il y a des cris, des asperges pour le dîner une fois de plus. Je déteste les asperges. Est-ce que ça veut dire que je ne grandirai jamais? Et ensuite, il y a écrit, je suis un peu inquiète pour le rendez-vous avec J ce soir. Il s'agit bien de la lettre J. Et c'était les dernières notes. Nous avons de quoi commencer avec ça. Vous n'avez jamais eu de surprise dans votre vie? Et une surprise, le Jean-Claude, il ne s'attendait pas à en avoir une si grosse. Quand il arrive à la maison, Jean-Claude est complètement chamboulé par ce qu'il vient d'apprendre, presque autant qu'un président qui aurait bouquiné les carnets secrets d'Yves Bertrand, l'ancien patron des RG. Monique, quand elle découvre la mine défaite du Jean-Claude, bien sûr elle s'inquiète et en demande la raison. Mais quand Jean-Claude lui avoue qu'il vient de lire le journal intime d'une copine de sa fille Elsa, Monique est outrée de cette violation de l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut pas dire grand-chose. Ne va surtout pas te faire des idées. Je ne veux même plus te voir. Éloigne-toi de ma vue. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? Mais alors où je vais dormir? Je te suggère d'aller dormir dans le fumier. C'est là qu'est ta véritable place. Et dans un hôtel, tu crois que ça irait? Monique s'apprête donc à chasser Jean-Claude de la maison parce qu'il a lu le journal intime d'une copine de sa fille. Mais Jean-Claude stoppe tout de suite Monique en lui racontant ce qu'il vient d'apprendre. Dans le journal intime de Manon, dont le père est tout de même conseiller municipal de Gros-Boule-les-Bains, quelqu'un d'important quoi, il y a la réponse à la question qui turlupine bon nombre de gogos en ce moment. Qui est le père de l'enfant de Rachida? Oui, eh bien, Jean-Claude dévoile à Monique, dans le creux de l'oreille, ce nom si bien caché. Monique n'en revient pas. C'est affreux, je ne comprends pas, c'est un piège, c'est une machination. Rémi, Rémi, Rémi. Eh oui, Rémi serait donc le père de l'enfant de Rachida, en tout cas c'est écrit, à l'encre mauve avec des cœurs sur les i, dans le journal intime de Manon. Jean-Claude et Monique se précipitent dans la chambre de Rémi qui lui a les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur en train de regarder un site de culture générale. Monique, éplorée, demande alors à Rémi si c'est vrai ce que raconte Manon dans son foutu journal. Rémi est atterré. N'importe quoi, s'écrie Rémi. Non mais oh, faut revenir sur terre les deux là. Comment pourrait-il être le père de l'enfant de Rachida? Ça va pas, non? Ils sont vraiment de plus en plus barrés, ses parents. Bon, c'est vrai que parfois quand il pense à Rachida, Rémi a des petits fantasmes. Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre Ouna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Quand il ne m'appartient pas. Oh là, quand ils s'aperçoivent de la transe de leur fils devant son ordinateur, Monique et Jean-Claude quittent discrètement la chambre de Rémi. Ils ont sans doute commis une grosse boulette et Jean-Claude se décide à rendre à Manon son journal intime. Sauf que voilà, Jean-Claude ne sait pas comment aborder la demoiselle. Une belle demoiselle qui se presse d'en aller. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Et Jean-Claude rattrape la demoiselle hirondelle, mais il est très confus et assez mal à l'aise quand il tend ce cahier qu'il avait dérobé à la jeune fille. Il faut que je t'avoue, je suis pas fier du tout, j'ai feuilleté ton journal intime. Ouvert l'un après l'autre, les alcôves où se vautrent, les prénoms, les lieux, les millésimes. Quel lieu, quel millésime, s'écrie Manon. Mais non, ce n'est pas du tout un journal intime, c'est le texte d'une nouvelle qu'elle est en train d'écrire pour le journal du lycée. Voilà, fin de l'histoire, Jean-Claude est soulagé, car primo, son fils Rémi n'est pas le père de l'enfant de Rachida, et secondo, ce journal intime n'est en fait qu'un carnet d'écriture. Bon, tout se corse quand Manon explique à Jean-Claude que la nouvelle qu'elle est en train d'écrire, là, s'inspire d'une histoire vraie, celle d'Elsa. Bah, on raconte, on raconte. On raconte. On raconte. Quand sa main est passée sous sa culotte. Il y a eu un petit moment de résistance. Mais qui oserait le lui reprocher? Ah oui, on m'a raconté. Il y avait 6 gars et 3 filles avec elle. Monstrueux. Oh non, attends, ça c'était à mon bahut. Une seconde après, elle lui sort son sexe de là-dessous et... Et cette folle. Oh, lève sa jupe. Jusqu'aux oreilles. Elle s'agenouille entre ses jambes. L'avale. Devant la fenêtre. Elle est chaude. Chaude. Chaude. Chaude. Elle est trop chaude. Il l'a relevée et il continue debout sur le lit. Buccal, oui. Incoït, une vraie leçon. Son soutif en latex noir, oui. Je peux te le dire, je l'ai vu dans son panier à linge. Super joli, genre lingerie de luxe sous acide. Assez extrême. One side of love and it was a gas. It soon turned out hard and hard and glass. It seemed like a real thing but only to find. Would you mistrust what's gone behind? Once had a love and it was divine. I soon found out I was losing my mind. It seemed like a real thing, but I was so blind. What a mistrust, love's gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you do. Found out on a hard glass. It seemed like a real thing, but only to find what a mistrust has gone behind. In between, what I found is blazing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You're just like you do. Heart of Glass, le cœur de verre, c'est une reprise de Blondie par FM. Alors qu'au FMI, une blonde a maintenant le cœur brisé. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h42, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panic, évidemment consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Encore que cette semaine, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, s'est rendu chez ma tante, une curieuse spécialiste des clous, mais surtout une fabuleuse vigie de la santé sociale et économique du moment. Ainsi, après la virgule, bienvenue chez ma tante, et découvrons ensemble combien elle turbine plus que jamais depuis quelques mois. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Ah, la crise. Tu n'as plus une thune, plus un rouble, même plus un copec. La crise t'a lessivé et ta femme et tes enfants te crient de concert. Gagne-moi le blé. Donc tu es prêt à tout. Mais alors à tout pour quelques billets, histoire de combler ton découvert et de payer ta facture EDF. Une supposition, hein. Je dis bien une supposition. Que j'ai un graveur, du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, hein. En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Et la réclusion, franchement, c'est pas top. Heureusement, l'ami s'offre à toi une solution plus honnête. Déposer tes objets de valeur au Crédit Municipal de Paris, plus connu sous le nom de Mont de Piété ou sous le sobriquet de... Ma tante est plus active que jamais. Elle reçoit effectivement environ 500 personnes par jour. Et oui, il n'y a pas de honte à ça, puisque tu ne seras ni le premier, ni le dernier à avoir cette idée. Depuis le mois d'avril, nous avons une augmentation de 30% de notre activité. Et ça, ce n'est pas habituel du tout dans un métier comme le nôtre, où les choses sont relativement constantes habituellement, avec une augmentation d'environ 4-5% par an, mais pas 30%. Là, réellement, on sent qu'une crise est quand même là. Nous l'espérons la plus courte possible. Mais le fait est que depuis avril, les Français connaissent les difficultés financières. C'est assez apparent pour nous qui sommes à un poste d'observation très privilégié à ce titre. Oui, je sais ce que tu penses, auditeur. On se croirait presque revenu à une époque qui a fait couler beaucoup d'encre. Et si on vous en débarrassait? C'est que je l'adore, moi, cet enfant. Je suis aperçu. C'est vrai que nous ne sommes pas riches, mais il faut bien faire quelque chose pour le bon Dieu. J'ai du pain pour elle. Je l'aime, moi, cette petite. Ma femme est vive, mais elle aussi, elle l'adore. Non, voyez-vous, je ne peux pas consentir. Elle nous ferait faute. J'ai besoin que ça babille dans la maison. Ou alors, c'est 1500 francs. Calmons-nous tout de même. Ici, on laisse surtout des bijoux en gage. Alors, le collier de grand-mère comme solution à la crise, et pourquoi pas? Les banques, vu ce qui s'est passé et aux États-Unis et en Europe, on peut dire franchement qu'il y a eu beaucoup de conneries qui ont été faites des deux côtés. Et à la finale, en fait, je pense qu'on paye, nous, tous ces problèmes-là. Puisqu'il y a un resserrement de tout ce qui est crédit, obtention des crédits, Donc qui c'est qui paye à la finale? Bah, c'est nous. C'est-à-dire que si on a déjà des soucis et pour trouver du boulot et pour gagner de l'argent, et voilà, on finit par venir ici. Papa, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde! C'est un bijou de famille, je vais pas balancer ma gourmette! Balance, balance! Mais tu l'emporteras pas dans le trou! Est-ce que c'est une démarche compliquée pour vous? Oui, bien sûr, ça me dérange d'utiliser les bijoux de ma femme. Si j'ai d'autres moyens, je n'aurais pas à faire ça. Et voilà, c'est ça quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Oui, je suis venu déposer en fait une montre que j'avais reçue en cadeau en fait. Parce que comme j'ai des difficultés financières, j'ai perdu mon emploi il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup de dettes à payer. Et donc c'est le meilleur moyen de déposer un objet et ensuite de pouvoir, avec la somme qu'on a, le garder un an et pouvoir le récupérer quelques temps après. Et plus de 9 personnes sur 10 récupèrent ensuite les objets déposés. C'est rassurant. Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud de pauvre. Eh oui, salauds de pauvres, qui n'arrivent même plus à rembourser leur crédit à la consommation exténuant avec leur taux à 26%. Mais heureusement, ma tante n'est pas chienne. Et pour lutter contre ces vampires, en plus de son activité traditionnelle, elle vient de mettre en place du microcrédit ou le rachat groupé de tes dettes. Et enfin, quand elle revend tes breloques plus cher qu'au prix estimé, eh ben, le bénéf, c'est pour ta pomme. Elle est classe, ma tante. Le crédit municipal, c'est donc un moyen temporaire et un peu pénible pour certains de digérer la crise. Mais sans aucun doute plus concret que les tisanes gouvernementales. Si vous avez mal dormi, pensez au fonctionnement de votre estomac et de votre intestin. Et buvez chaque soir une tasse de thé des familles. Mélange lactatif et délicieux de 18 plantes qui purifient le sang. Ah, qu'il est bon à boire le thé des familles tous les soirs. Qui prend la boîte chez votre pharmacien. N'oubliez pas, c'est des familles. Viva la papa, col pomodoro. Viva la papa, che un capo lavoro. Viva la papa, col pomodoro. Pour conserver la ligne, je me mets au régime, je dîne d'une endive. Petit biscuit, mais il n'y a rien à faire. Pendant la nuit entière, je rêve de soupières pleines de spaghettis. Viva la papa, papa, col popo, popo, popo, pomodoro. Viva la papa, papa, che un capo, popo, popo, popo lavoro. Viva la papa, papa, papa, col popo, se lève de la révolution, car c'est trop étonnant, à l'époque où nous sommes, de devoir pour les hommes mourir d'inanition. Viva la papa, papa, col popo, popo, popo, pomodoro. Viva la papa, papa, che un capo, popo, popo, popo lavoro. Viva la papa, papa, papa, col popo, pomodoro. Viva la papa, papa, papa, col popo. Viva la papa! C'était Dalida avec Apostasie en 1965. Tandis que Viva il papa, c'était Jean-Marie Bigard avec Sarkozy en 2007. Ah bah là pour nous, il y a papa photo. Je vous propose d'écouter la voix du pape, tout spécialement pour les auditeurs de France Inter. Mes frères, 1, 2, 3. Mon fils, 1. On m'entend bien au fond? Alors maintenant, on vous entend bien, au fond. À 11h50, afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux, mais sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à l'actualité de la semaine, Monsieur Mauduit, ici présent, se charge pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, quoi de neuf cette semaine, camarade ? Eh bien, cette semaine, en lisant la presse, je me suis tout de suite rendu compte que dans la vie, à l'approche de la Toussaint, vous pouviez vous en sortir si vous osiez rire de la mort. Et d'ailleurs, question osier, depuis quelques jours, il y a un grand fauteuil vide dans la maison de retraite de Calion suite au décès d'Emmanuel, de sœur Emmanuel bien sûr. Alors l'hommage est unanime et légitime. Et pourtant moi, il y a un truc qui m'intrigue. En effet, sœur Emmanuel allait avoir 100 ans le 16 novembre prochain. Oui, il y a 15 jours, hein. C'est terrible. Pas de bol. D'ailleurs, elle avait déclaré en riant à des journalistes belges venus la questionner sur son centenaire pour savoir ce qu'elle en pensait. Elle avait répondu, pour elle, c'est du boum boum tralala. Du boum tralala. Oui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces journalistes, qui sont les derniers à avoir interviewé sœur Emmanuel, ils venaient du quotidien belge La Dernière Heure. Ça ne s'invente pas. Interviewé le 17, tu meurs le 20, vive La Dernière Heure, ma sœur. Alors justement, question sœur et décès. Cette semaine, le Parisien nous donne des informations sur la sœur du guitariste d'AC/DC, le groupe de rock. Oui, magnifique. Magnifique. Hell's Bells, les cloches de l'enfer. Parce que dans son édition de lundi, et le jour de la mort de sœur Emmanuel d'ailleurs, on apprend qu'au début de sa carrière, Angus Young, le guitariste en question, avait été conseillé par sa sœur pour choisir son remarquable costume de scène, un uniforme d'écolier avec cravate et bermuda. On s'en souvient, oui. Alors dans cette interview, le guitariste d'AC/DC nous donne aussi les clés de la longévité. Ah, je vous l'ai donné. Bon, déjà, surtout ne pas se faire interviewer par La Dernière Heure, hein, plutôt par Le Parisien. Voilà. Surtout, il faut refuser d'écouter les modes du moment. Vous savez, où le punk, le hip-hop et le disco se battent comme des chiffonniers. Du care, bien du sûr. Ah, take care, c'est important. Alors, attention, parce que question longévité, le canard italien La Stampa, daté de mardi dernier, nous apprenait une histoire vraiment étonnante. Le 4 octobre, un Sicilien, Antonio Tripoli, a reçu 4 balles dans la tête. Et après, classique, hein, un grand classique. Bah oui, on est en Sicile. Et après 10 jours de coma, ben il s'est réveillé cette semaine. Incroyable. Tout de suite, les policiers ont déboulé à l'hôpital, lui ont montré des photos de suspects. Et là, Antonio a désigné du doigt son neveu comme étant l'assassin. Et juste après, il est mort. Énorme. Ah oui, c'est ballot, hein, parce qu'il est mort au bout de quelques heures et il n'a pas réussi à décrocher le record du monde de résurrection, toujours détenu par un Palestinien. C'est combien ? Vous savez ou pas le record du monde de résurrection ? Bah écoutez, après la résurrection, faut voir Marie-Madeleine. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Énorme. Alors, ils sont quand même très forts, ces Italiens, là, avec l'au-delà. Et il y a un autre exemple, c'est en 1908, on apprend ça dans la presse cette semaine, en 1908, John Pucciati, un immigré italien, a ouvert dans la deuxième rue de New York une gargote. Et aujourd'hui, pour fêter le centenaire du resto, les propriétaires actuels ont eu l'idée de servir les repas au prix pratiqué en 1908. Ah, excellente idée, ça. Ah, c'est une bonne idée, ça nous fait des spaghettis aux fruits de mer à 57 au lieu de 11 $, c'est pas cher. Bon, quand on réfléchit bien, les cours de la bourse, s'ils continuent à chuter, bientôt on va avoir des actions au prix de 1908. Ça, c'est sûr. C'est merveilleux. Alors moi, pour mieux comprendre cette évolution dans le temps, j'ai feuilleté Le Temps. Le Temps, le grand quotidien de la Troisième République. Et que nous dit Le Temps en date du 26 octobre 1908, il y a donc 100 ans aujourd'hui, oui. Tout juste un siècle. Eh bien, ce canard nous apprend une bien étrange mais authentique histoire. Ça se passe dans la caserne d'un régiment de cavalerie à côté de Paris. Il y a un des fourneaux de la cuisine qui fume énormément, tout le temps, depuis 6 ans. Et ils n'en peuvent plus, les militaires, là-bas. Chaque fois qu'on l'allume, nous dit-on dans le journal, c'est jurons et scènes inénarrables. Et en octobre 1908, le fourneau tombe en panne. Et au moment de le changer, on s'aperçoit que la conduite d'évacuation est bouchée. Elle donne sur un mur, il n'y a pas de cheminée. Eh bien, vous voyez, Philippe, cette anecdote, qui a 100 ans, est quand même à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà des années que ceux qui vont au charbon se font enfumer. Et quand le fourneau afrique tombe en panne, bah, tout le monde se rend compte qu'on va droit dans le mur. Merci Mauduit pour cette revue de presse post-mortem. Votre voix était parfaite aujourd'hui, Xavier. À la semaine prochaine, cher ami. Reposez-vous un petit peu. Le kiosque referme ses portes. Prenez soin de vous en tous les cas. Ciao.